Chapitre 10. Le triomphe sorti des cendres. Quelle que soit la longueur de la course de relais, quel que soit le nombre de coureurs, une chose demeure du début à la fin. Le témoin. Du premier coureur au dernier, le témoin est passé de l'un à l'autre. Parti d'Adam, le témoin a été passé à travers les siècles à une succession de fidèles et il arrivera à bon port quand la longue course s'achèvera au retour de Jésus. Qu'est-ce que le témoin ? C'est la bonne nouvelle de la vérité. Jésus-Christ, ce qu'il a partagé avec le monde durant sa vie et ce qu'il continue à faire dans ce monde. De siècle en siècle, le témoin a été passé, d'Adam au patriarche de l'Ancien Testament, à Israël et ses prophètes. D'Israël à l'Église primitive, de l'Église primitive à l'Église du long et sombre Moyen-Âge, de l'Église dans le désert aux courageux conducteurs de la Réforme, et des réformateurs aux leaders du grand mouvement adventiste. La Réforme protestante a remis en lumière des vérités longtemps négligées ou délibérément supprimées. Elle a dénoncé une Église qui s'était vendue au grand ennemi, remplaçant la vérité par des erreurs et des mensonges et persécutant ceux qui refusaient d'abandonner leur fidélité pour se sauver eux-mêmes. Des hommes dévoués ont porté le témoin de la vérité au cours de la Réforme et l'ont fait avancer. Des hommes comme Luther et Zwingli, Calvin et Melanchthon. Il en a été de même pour des milliers d'hommes et de femmes dont le nom ne nous est pas connu. Pour une raison qui s'éclairera dans un moment, cela nous conduit au sujet des tunnels. Actuellement, le plus long tunnel du monde est celui qui, au Japon, relie les îles de Honshu et de Hokkaido. C'est un tunnel ferroviaire de 50 km. Le tunnel du Gotthard, en construction en Suisse et dont l'achèvement est programmé pour 2012, fera 56 km. Imaginez que vous entriez dans un tunnel dont l'entrée se trouverait à Chicago dans l'Illinois, aux États-Unis, et qui se poursuivait jusqu'à Miami, en Floride, sur une distance de 1900 km. Imaginez un tunnel de 1260 miles, soit 2000 km. Un sombre et dangereux tunnel envahi de fréquents effondrements et de bandes de hors-la-loi en maraude. En 538, les véritables fidèles de Dieu sont entrés dans un tunnel mesuré non pas en kilomètres, mais en années. Un tunnel qui s'est déroulé dans le temps pendant 1260 ans. Un tunnel d'oppression et de persécution par l'Église romaine apostate et dominante. Un tunnel qui a traversé le sombre Moyen-Âge avec la parole de Dieu pour seule lumière pour éclairer le chemin. Mais en 1798, le pouvoir de la papauté s'est achevé avec la capture du pape par le général Berthier, un événement décrit en Apocalypse 13.3, comme une blessure mortelle. De 1517, quand Luther a placardé ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, à 1798, la réforme a poursuivi son chemin. Ce fut un temps de redécouverte de vérités longtemps perdues ou supprimées. Mais même si la réforme a perdu beaucoup d'enthousiasme dans les sables des confrontations ecclésiales, d'humbles chercheurs en Europe et en Amérique ont continué à fouiller la parole de Dieu pour y découvrir plus de vérité. Et la grande vérité qui est ressortie de cette recherche ne pouvait pas tomber au meilleur moment. En 4 courtes décennies, un grand mouvement parcourut le monde religieux centré sur la nouvelle galvanisante venant de la parole de Dieu que le retour de Christ était prêche. Traversant l'Atlantique, d'Europe en Amérique, une série de théologiens sont parvenus à la même conclusion, et le grand mouvement adventiste a traversé les églises avec d'étonnants résultats. Mais en Amérique, le personnage central de ce mouvement n'était pas un chercheur formé à l'université. Ce n'était pas le fameux pasteur d'une grande église influente d'une ville influente. Ce fut en fait un homme qui a commencé son parcours spirituel avec une faible perception de Dieu, ou du moins limitée. Le jeune déiste. Né dans un foyer chrétien, William Miller avait abandonné dans sa jeunesse ses premières convictions en faveur du déisme, une philosophie religieuse selon laquelle Dieu est un seigneur absent, qui a pu former le monde tel une montre, mais qu'il a laissé livrer à lui-même. Un tel Dieu, dit le déisme, ne prête pas un intérêt personnel à sa création et n'accomplit certainement jamais de miracles. Quand son oncle et son grand-père, tous deux pasteurs baptistes, venaient lui rendre visite pour lui parler de sa foi, il amusait ensuite ses amis en se moquant d'eux. Mais après avoir côtoyé la mort en tant que soldat dans la guerre de 1812, Miller commença à reconsidérer ses croyances déistes. il retourna dans les lieux de sa jeunesse, à Lowhampton, dans l'État de New York, et se lança dans l'activité pratiquée par 9 Américains sur 10, l'agriculture. Ses doutes à propos du déisme s'approfondirent, et sa faim pour la paix d'un sauveur personnel se fit de plus en plus intense. Fouillant dans sa Bible, il y trouva le sauveur qu'il cherchait. Mais maintenant, comme il avait raillé son oncle et son grand-père après leur visite, ses amis incroyants se moquèrent de lui, affirmant que la Bible était pleine de contradictions. Il leur répondit, « Si la Bible est la parole de Dieu, alors tout ce qu'elle contient peut être compris, et tout son contenu peut être harmonisé. Accordez-moi du temps, et j'harmoniserai ces apparentes contradictions, ou je redeviendrai déiste. » La Bible est une concordance. En tant qu'adventiste, vous savez ce qui a suivi. Miller mit de côté tous les livres qu'il avait acquis, mis à part la Bible et une concordance. Commençant par Genèse 1, il parcourut toute la Bible. Il décida de ne pas aller plus vite que le lui permettait la solution des problèmes ou des apparentes contradictions qu'il pouvait rencontrer. Sa méthode était de laisser la Bible s'expliquer par elle-même. L'une après l'autre, les apparentes incohérences de la parole tombèrent, et chapitre après chapitre, sa relation intime avec Jésus s'approfondit et se développa. Verset par verset, il avança, jusqu'à ce qu'il parvint un jour au verset qui allait occuper toute l'attention de sa vie, et lança un mouvement qui, lui aussi, captiva l'attention de la jeune nation américaine, qui n'avait alors que 17 millions d'habitants. Daniel 8, 14. 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Version King James. L'étude de Miller occupa tout son temps, souvent jusqu'à tard dans la nuit. Comparant les Écritures aux Écritures, il découvrit que dans les prophéties apocalyptiques, un jour équivaut à un an. Ainsi, les 2300 jours correspondaient à 2300 ans. D'autres études du livre de Daniel, chapitres 8 et 9, l'amenèrent à conclure que les 2300 ans commençaient en 457 avant Jésus-Christ, ce qui signifiait que, selon ses calculs, il devrait s'achever en 1843, soit 25 ans plus tard. Miller conclut aussi que la purification du sanctuaire correspondait au retour de Jésus sur la terre. Au fond de son âme, Miller entendit une voix lui disant « Va, et dis-le au monde ». Pendant les 5 années qui suivirent, Miller ignora cet appel et étudia plus profondément sa découverte, revoyant sans cesse ses conclusions. Quand ses années de recherche eurent ôté tout doute, un nouvel élément le dissuada de partager ses découvertes, la peur de parler en public. Pendant 8 ans encore, Miller résista à l'appel intérieur qu'il ressentait de partager ses découvertes au moyen de la prédication. Mais la voix intérieure se faisait de plus en plus insistante. Ainsi, un dimanche matin, Miller fit un « marché » avec Dieu, qui allait, il en était certain, lui ôter le fardeau. « Seigneur, dit-il, je fais un accord avec toi. Si tu m'envoies une invitation à prêcher sur ces choses, alors j'irai. » Apaisé, Miller s'assit sur sa chaise. Personne n'allait demander à un fermier sans formation, âgé de 50 ans, de prêcher sur la seconde venue du Christ. Faux. Quelqu'un était en train de le faire. 30 minutes plus tard, un coup frappé à la porte éveilla Miller. « Bonjour, oncle William, » dit le garçon qui se tenait à la porte. « Irving, mon neveu ?» s'exclama Miller. « Mais que fais-tu à 25 kilomètres de chez toi si tôt le matin ?»« Oncle William, je suis parti avant le petit déjeuner pour te faire une requête. Il voudrait que tu viennes et que tu nous parles des choses que tu as étudiées dans la Bible, sur la seconde venue du Christ, tu sais. Viendras-tu ?» Une lutte dans un bosquet d'érable. Miller tourna les talons sans un mot, laissa Irving planté là, tout confus, et se précipita dehors vers un bosquet d'érable tout proche. Là, pendant une bonne heure, il lutta avec Dieu, avec non moins d'énergie que Jacob avec l'ange de l'Ancien Testament. William Miller s'en voulait avec colère d'avoir fait cet arrangement avec Dieu. Il était aussi pétrifié. Il plaida et supplia Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Mais finalement, après beaucoup de larmes, il s'abandonna à Dieu et trouva la paix et le bonheur. Miller était maintenant si rempli de joie qu'il se mit à sautiller de ci de là, louant Dieu à haute voix. Sa fille, Lucianne, encore jeune, l'observa inquiète depuis la porte. Elle se précipita à la maison, appelant sa mère. « Maman, maman, viens vite !» Bientôt, Miller et Irving se trouvèrent en chemin vers Dresden. Les gens de Dresden furent si émus qu'ils demandèrent à Miller de prêcher chaque soir pendant une semaine. Dès le début, d'autres invitations lui parvinrent de gens qui avaient entendu son message à Dresden. De toutes les dénominations religieuses, d'urgentes requêtes lui parvinrent comme une avalanche toujours croissante. Un réveil se produisait partout où Miller prêchait. Des villages entiers furent transformés par son étonnante nouvelle selon laquelle la seconde venue de Jésus était extrêmement proche. Pendant 8 ans, Miller fut constamment occupé à prêcher d'un village à l'autre. Puis, en automne de 1839, après une réunion à Exeter, au New Hampshire, il rencontra un jeune homme qui allait changer le cours de son ministère. Joshua V. Himes n'avait que 34 ans, mais il était bien connu pour son opposition publique à l'esclavage, à l'alcool et à la guerre. Après le service à Exeter, Himes se présenta et invita Miller à prêcher dans sa chapelle, à Chardon Street, à Boston, dans le Massachusetts. Il arriva donc que le 8 décembre 1839, Miller prêcha sa première série de sermons dans une ville américaine majeure. Même avec 2 services par jour, des centaines de gens ne trouvèrent pas de place. « Croyez-vous vraiment ce que vous nous annoncez ?» demanda un soir Himes à Miller. « Très certainement, frère Himes, sinon je ne le prêcherai pas. » « Alors que faites-vous pour l'annoncer au monde ?» Quand Miller protesta qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu pour atteindre chaque petite ville et village où il avait été invité, Himes fut atterré. Chaque bourg et chaque village? Mais qu'en est-il des villes, Baltimore, New York, Philadelphie, et les 17 millions de citoyens des États-Unis? Si le Christ revient dans quelques années comme vous le croyez, dit Himes, alors il n'y a pas de temps à perdre pour annoncer le message avec force à ceux qui ont besoin de se préparer. Himes, enflammé par la vision de ce qu'il fallait faire, devint l'organisateur qui planifia et facilita les démarches. Très vite, il établit une liste de rendez-vous pour Miller dans les plus grandes villes, et le nom de Miller fut connu de partout. Himes persuada les pasteurs de sa propre église, la Christian Connection, à ouvrir leur chaire à Miller. Dans l'une de ces églises, le message de Miller atteint la famille de Robert Harmon, et c'est ainsi que leur fille Hélène, encore adolescente, future fondatrice de l'Église adventiste du 7e jour, découvrit et consacra sa vie à l'espérance du retour du Christ. Le mouvement se répandit tel un feu de forêt. Himes, toujours aussi énergique, entreprit de lancer des publications pour soutenir les messages de Miller. D'autres pasteurs se joignirent aussi au mouvement pour l'accompagner de leurs efforts. Josiah Leach, un méthodiste, publia un livre de 200 pages sur les exposés de Miller. Leach contribua aussi à persuader Charles Fitch, un pasteur congrégationaliste, à apporter son soutien. Leach et un autre pasteur méthodiste bien connu, Apollos Hale, réalisa ce que sera connu comme « le graphique de 1843 », qui résumait le cadre temporel des messages de Miller. Mais le mouvement Millerite s'était développé bien au-delà d'un seul homme. Le grand mouvement de la seconde venue s'était maintenant répandu à travers les églises de l'Amérique du Nord, tel un tsunami. Des réunions sous la tente et des conférences se multiplièrent par milliers. Miller a longtemps évité d'être trop spécifique sur la date exacte du retour de Jésus. Son message se contentait de dire que Jésus reviendra vers 1843. Mais en janvier de cette année, il a conclu, en s'appuyant sur des recherches supplémentaires et en tenant compte de l'année juive, que Jésus reviendrait quelque part entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844. Quand l'année se fut entièrement écoulée, une première grande déception parcourut le mouvement. Mais plus tard, en 1844, lors d'une conférence à Exeter au New Hampshire, le mouvement connut un nouveau souffle à la suite des découvertes d'un pasteur millérite du nom de S.S. Snow. Son étude de la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel l'avait conduite à la conclusion que Jésus reviendra le 10e jour du 7e mois juif, ce qui tomberait en 1844 au 22 octobre, soit 2 mois plus tard. L'électrisante nouvelle déclencha une épidémie d'enthousiasme. Les gens quittèrent la conférence pour proclamer « Voici, l'époux vient !» Très vite, Miller, Himes et les autres leaders du mouvement reconnurent que Snow avait certainement raison. Le 22 octobre 1844, des dizaines de milliers de croyants se préparèrent à l'apparition de leur Seigneur. Mais quand le jour fut passé, cette seconde déception fut dévastatrice et trop profonde pour être exprimée. Le 24 octobre, Leach écrivit à Miller « C'est un jour sombre et couvert, les brebis sont dispersées et le Seigneur n'est pas encore venu ». séquelles. Après la grande déception, certains croyants perdirent toute espérance et abandonnèrent soit le mouvement, soit leur foi chrétienne. Certains conclurent que rien ne s'était passé le 22 octobre et qu'ils avaient totalement mal interprété les Écritures. D'autres décidèrent que Jésus était venu, mais que sa venue était invisible, spirituelle. D'autres encore sombrèrent dans une longue et profonde dépression. Et quelques-uns continuèrent à prier et à chercher, convaincus que d'une certaine façon, quelque chose leur avait échappé dans leur interprétation de la Bible. Comme tout adventiste le sait maintenant, de ce dernier groupe est issu un petit nombre d'étudiants sérieux de la Bible qui conclurent que quelque chose s'était en effet passé le 22 octobre 1844. Mais plutôt que le retour de Jésus, ce qui était arrivé, c'était l'entrée de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y entreprendre son dernier ministère d'intercession. Des hommes tels que Hiram Edson, O.R.L. Crossier et F.B. Hahn conclurent que le sanctuaire qui devait être purifié n'était pas la terre, mais le sanctuaire céleste. Bientôt d'autres se joignirent à eux et partagèrent leurs conclusions. Parmi eux, un jeune pasteur de la Christian Connection du nom de James White, l'adolescente de la famille Harmon, Hélène Harmon, qui avait grandi et était devenue maintenant l'épouse de James White, et un capitaine retraité de la marine du nom de Joseph Bates. Des cendres d'une amère déception allaient jaillir une impulsion qui déploierait le grand mouvement de l'avant au-delà de ses objectifs premiers. Des larmes de la désillusion allaient naître une nouvelle certitude fondée sur la parole de Dieu. Celle-ci susciterait un peuple chargé de lancer un dernier et urgent appel à un monde qui ne s'y attend pas, disant que la venue de Jésus était certes à la porte. Des sept églises de l'Apocalypse, l'église qui s'étend de la réforme au mouvement de l'avant était l'église de Philadelphie, l'église de l'amour fraternel. Mais alors que le dernier peuple de Dieu commençait à se former, appelé à sortir de la confusion babylonienne des autres églises, la septième et dernière église allait suivre, l'église de Laodicée, et Dieu allait donner de sérieux avertissements et faire des reproches à cette église que nous verrons dans le chapitre suivant. La chaîne ininterrompue de fidèles? Très certainement que durant les décennies du grand mouvement de l'Avent, elle comprenait des hommes tels que Miller, Himes et Fitch, et plus tard, Edson, Les White et Bates. Mais oui, comme toujours, elle comprenait aussi la grande foule des fidèles inconnus qui sont restés fidèles à la vérité, à Jésus qui est la vérité, quoi qu'il advienne. La course a été longue. Depuis Adam, le témoin a été transmis. Avec le mouvement adventiste, le témoin est passé dans vos mains et les miennes. Nous sommes maintenant dans le dernier secteur de la course de relais. Ce témoin est entre vos mains, cher ami. Tenez-le donc fermement. On y trouve les empreintes d'Adam, de Noé, de Daniel et de Joseph, de David, Paul, Pierre et Jean, des Albigeois et des Huguenots, de Luther, Calvin et Zwingli, de Wycliffe, de Miller, Himes, Edson et des White. Où va maintenant aller ce témoin qui est entre vos mains? À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus, et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui.